Bonsoir, je suis Monsieur Mallet. Monsieur Mallet, vous êtes 6 ? Oui, oui, nous sommes 6. Table 4. C'est à droite de la porte.